Bonsoir Radioactive, dimanche 21h, votre rendez-vous habituel Lost in Space. Après Pop Story, nous remercions pour ces émissions toujours de qualité. Un Lost in Space ce soir qui va revenir à des, on va dire, à des notions plus extrêmes en termes musicaux, c'est-à-dire qu'on va attaquer un grand cycle de musique industrielle qui va nous amener en fait à redécouvrir un certain nombre de grands maîtres du domaine. On attaquera par Club Moral Stocklist, donc avec ces compilations qu'on peut retrouver. On aura ensuite Robin Grissel, ZZ Pot et Dr Ninja, des Français, Minimal Man, Aluc Todolo, Document Project, Opera for Infantry, puis Robert Expatriate and the White Devil Conspiracy, Sleep Chamber, Negative Land, et nous finirons par, encore une fois, Club Moral, avec leur set qui s'appelle Géométrie d'un assassinat. On est ensemble pour 2 heures, voire même un petit peu plus. J'espère que vous allez apprécier. Comme d'habitude, retrouvez la playlist dans le détail sur le site radio-active.net et la page Lost in Space. Celle-ci, ce sera effectivement l'épisode 8 de cette troisième saison. Et je vous souhaite une bonne écoute. Thank you. I Thank you. Thank you. Thank you. fiesta. Cantar en la bandera, cada tiro y gasto de voluntad está. Eres y a la madre, tirado y está en el mundo, como de la cara a la boca y a la tienda con el todo. Toda mi madre, lucha a mi gasto de voluntad, de la cuadra. Oh, oh, mira, ay, está, mira, que te amo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,

Moralement inacceptable. La loi en elle-même était inacceptable, nous savons très bien comment elle a été amenée. Thank you. Supporter, que dis-je, ce hooligan qui entre évidemment sans autorisation sur la pelouse pour asséner un coup de poing à un joueur du STEA. Derrière, les coéquipiers se font évidemment vengeance. Ils sont expulsés parce que ce n'est pas la réponse à donner. Ouvrez la boîte de sardines en tournant la clé normalement. Ouvrez-la bien jusqu'au bout. Il ne vous reste plus qu'à tapoter sur le couvercle enroulé pour en sortir une cigarette.

En garde à vue depuis jeudi, le numéro 2 de la PJ lyonnaise semble coopérant et prêt à fournir des explications. Je peux vous dire que M. Néret répond avec beaucoup de sincérité aux légitimes questions qui lui sont posées. used for centuries as a method of torture. Place someone's head inside of a bell and ring it. And eventually, they'll go insane. And eventually, they'll go insane. They'll go insane. They'll go insane. And eventually, on va reparler des coulisses des primaires, entre guillemets, et qui a été complètement... Allez-y, pas de non, mais je sais pas, j'ai perdu mon lancement. J'ai essayé. Vous voulez que j'annonce les invités? Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Donc, cuisine après aussi, parce que ce soir, on l'a perdu. Là. Si tu veux, 19h10, il n'y a déjà plus personne. Pas pour le coup, je vais y emmener. Thank you. des études réalisées auparavant sur le comportement sexuel des spectateurs d'accidents d'automobile avec au moins un mort. Des correspondances entre les deux groupes étudiés indiquent que, pour la majorité des spectateurs, les événements de la place d'Adélaïde furent inconsciemment perçus comme ceux d'un autodésastre sexuel massif avec libération de courants agressifs et pervers. Le rôle de Mrs. Kennedy et de sa tenue souillée ne nécessite pas d'explication plus poussée. Tous les renseignements la concernant. 19 ans, disparu le 23 décembre dernier, son corps retrouvé le 30 dans les locaux de la fac de médecine. Cette jeune fille de 19 ans, disparue à la fin de l'année dernière et dont on a retrouvé une semaine après le corps dépecé dans les locaux de la faculté de médecine à Paris. Thank you. Thank you. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Go ahead. Alright. It's gonna be alright.